je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a développé. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes, qu'il soit, vous le savez, jeu de rôle, jeu de société, jeu vidéo ou jeu entre les deux, entre les trois même, c'est plus sympa. Et aujourd'hui un thème intéressant comme toujours avec un invité tout aussi intéressant. Je ne dévoilerai rien puisque avant ça, et ben maintenant ça commence à devenir une mini tradition, c'est l'édito. Et oui, alors qu'on ne compte plus les romans sur le mal-être humain, les films mélodramatiques ou les chansons dépressives, force est de constater qu'il n'y a que très peu de jeux qui proposent une expérience de la tristesse. Alors forcément, comme chez Ludologie, on aime poser des questions dans les coins mal éclairés, on s'est demandé pourquoi. Ce 12e numéro de notre podcast Quinzomadaire, il paraît que c'est comme ça qu'on dit maintenant, est donc consacré aux jeux tristes et à la tristesse dans les jeux. Alors est-ce qu'il y a des jeux tristes par accident ? Y a-t-il des jeux qui ne voudraient être tristes et puis qui n'y arrivent pas ? Comment est-ce qu'on fait un jeu triste et surtout pourquoi ? Et puis d'abord, est-ce qu'il n'y a qu'un seul type de tristesse ? Pour répondre à ces questions existentielles presque, nous recevons une nouvelle fois le jeu de rôlogiste Jérôme Larré, animateur du blog Tarte aux Fraises, directeur de la maison d'édition Lapin Marteau et auteur entre autres de Tenga, un jeu de rôle sorti chez John Doe. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Nous t'avons invité, toi, sur ce thème-là des jeux tristes, parce que, notamment, tu as écrit Tenga, qui est un jeu qui, si j'ai bien compris, ne brille pas par son expression de la joie de vivre. Alors, on l'avait déjà évoqué ouais, dans un précédent podcast. En fait, Tenga, c'est un jeu qui a été fait pour... plusieurs raisons, et l'une d'entre elles, c'est de pouvoir proposer en fait des parties un petit peu tragiques. D'habitude, dans les jeux, on a une opposition entre, alors souvent dans le jeu de rôle, entre une volonté de puissance qui hérite des premiers jeux, et qui va se traduire par une montée en puissance des personnages, plus ils réussissent, plus ils deviennent meilleurs. Et on est vraiment dans une logique d'accumulation et de montée en puissance. Plus d'épique, on va dire, plus proche de l'épopée, et assez peu la tragédie. Et notamment, il y avait eu des textes d'une théoricienne qui s'appelle Marie-Laure Ryan, qui m'avait parlé, alors ça doit être au début des années 2000, je pense, hein, et qui parlait de l'impossibilité, en fait, de jouer, de faire des jeux qui reposent sur le ressort de la tragédie, et qui avait illustré ça en disant « Personne ne veut jouer à la Karenine ». Et comme tous les concepteurs de jeux, à chaque fois qu'on vous dit qu'un truc n'est pas possible, c'est le meilleur moyen pour qu'on essaye. Quoi. Mais finalement, toi, quand tu as écrit Tenga, c'était pour combler un vide, pour essayer de proposer un jeu sur une thématique qui t'était chère et que tu n'avais pas vu exploiter jusqu'ici, ou au contraire, tu voulais t'inscrire dans la lignée de création précédente ? Alors, c'est un peu compliqué parce que Tenga, c'est un jeu qui a eu une très très longue période de gestation. En fait, il y en a eu presque plusieurs Tenga. Au tout départ, l'objectif, c'était presque de la bidouille sur un autre jeu qui s'appelle Bushido. Donc Bushido, c'est un jeu de rôle qui doit dater de 78, je crois, donc un ancêtre, mais auquel j'ai joué, qui se situe en fait dans un monde qui ressemble beaucoup au Japon médiéval. Et auquel j'ai joué pendant à peu près toute mon adolescence, et des nombres indécents d'heures. Et en fait, au bout d'un moment, on n'arrivait pas avec les amis avec qui on jouait à faire exactement ce qu'on voulait. Et ce qu'on voulait, c'était en fait ce qui se passait dans les films japonais, qui nous arrivaient avec, je veux dire, presque avec l'arrivée du DVD, des imports, etc. Et on voyait des films bizarres qui ne correspondaient pas du tout à ce qu'on avait l'habitude de jouer, c'est-à-dire des films où les... où on jouait des personnages qui étaient puissants au début et qui luttaient pour rester, non pas pour devenir des hommes, mais pour continuer à se considérer comme tels, en fait. Bah, si vous connaissez le film Harakiri, par exemple, ou Seppuku, selon les versions, c'est l'exemple même de ce genre de film. C'est-à-dire, on n'est pas du tout dans le voyage du héros, dans des choses comme ça. On est vraiment dans quelque chose de plus tragique. Et après, au fil des ans, se sont greffées pas mal de choses plus, on va dire, plus personnelles, même certaines carrément, enfin, intimes. Et qui ont fait effectivement qu'il y a eu une recherche sur ce jeu pour amener des questions de passage entre les générations, d'attachement, de perte de l'innocence un petit peu, selon les options de jeu choisies. J'essaie de résumer un peu ton propos. En fait, ce que tu essaies de dire, peut-être, enfin, c'est ce que, en tout cas, je comprends, c'est que, en fait, l'arrivée de la tragédie, ou même de la tristesse, tout simplement, sur une sorte d'arrivée de l'âge adulte dans le jeu, c'est ça? Alors, pour le coup, pas du tout. C'est juste, tu veux, que quand on a commencé à jouer à Bushido, on jouait le même type d'histoire qu'on jouait dans tous les jeux de rôle, en fait. Et là, c'est en voulant jouer des jeux qui se rapprochaient des sources d'inspiration, en fait, qu'on avait sur le Japon. Et même des choses aussi, je veux dire, qui ont l'air pas forcément tragiques, mais pourtant qui sont très dramatiques, comme la série Shogun. Alors, si on veut faire snob, on peut dire qu'on a lu le bouquin, mais en fait, parler de la série avec Richard Chamberlain. Et tout ce genre de choses. C'était pas tellement lié au passage à l'âge adulte des joueurs qu'à un autre type de. Disons qu'à être exposé à d'autres types de fiction, tout simplement. Et quand je parle des générations, c'est parce que le passage, en fait, entre les générations, alors là, des personnages, pas des joueurs, était quelque chose important pour moi dans le jeu, en fait. Alors, je vais rebondir sur le terme génération, qui pour les joueurs de jeux de rôle a une signification toute particulière, puisque dans les années 80-90, il y a quand même un jeu qui émerge, publié par la maison d'édition White Wolf, c'est Vampyr. Et Vampyr avait vocation initialement à proposer des histoires un peu tragiques, quand même, non? Alors, l'optique, enfin, les générations dans Vampyr et dans Taiga sont pour le coup sont Oui, très je différentes. rebondissais juste sur le mot, hein. D'accord, ok. Alors, par rapport à. Il y a un auteur de jeux de rôle assez connu anglo-saxon qui s'appelle Kenneth Haidt, qui a beaucoup fait essentiellement justement de jeux sombres, de jeux à la Cthulhu, qui avait écrit dans un essai que. En gros, qui essayait d'établir des types de jeux qui rapprochaient des jeux enfants, adolescents et adultes. Alors forcément, les jeux adultes, c'était ceux dans lesquels lui écrivait, avec des jeux d'enfants qui étaient basés sur l'accumulation, sur le fait d'exploser à fond ses potentiels, de montrer qu'on était là, qui rapprochaient des jeux comme Donjons et Dragons. Des jeux d'adolescents où, en gros, on voulait avoir l'air cool et en même temps être des rebelles, et puis montrer qu'on n'obéissait pas, et puis faire la nique aux générations précédentes. Et pour lui, l'archétype de ce jeu-là, c'était Vampyr. Et des jeux d'adultes où on apprenait à gérer la perte, où on apprenait à gérer la responsabilité vis-à-vis d'autres personnes. Et pour lui, c'était Cthulhu. Alors, ça rejoint ce que disait Adrien sur la question précédente. Moi, je suis pas forcément d'accord avec cette catégorisation. Enfin, sur le fait de le rattacher comme ça à des générations, par contre, elle a l'avantage de montrer qu'effectivement, ce sont des préoccupations très différentes selon les jeux ou selon les campagnes de jeu, selon ce qu'on fait à cette table, en fait. Et alors, qui dit jeu dit gameplay, mécanique de jeu. Dans Tenga, comment tu t'y es pris pour essayer de proposer à des joueurs une expérience de la tristesse, une expérience d'une certaine douleur intérieure avec les mécaniques de jeu? Alors, enfin aujourd'hui, j'arrête pas d'avoir des réserves, mais c'est le fait de parler Tengen, forcément, j'ai du mal un peu à prendre du recul. Par rapport à Tengen, il y a la volonté d'avoir une dimension tragique. Par contre, qu'on se comprenne bien, elle est à aucun moment obligatoire, d'une part. Et le second point, c'est que l'objectif n'est pas de faire du misérabilisme. C'est Donc c'est pas pas une Anna escrobade des Karenine choses. JDR. Pardon? Ça n'est pas Anna Karenine JDR, justement. On explique quand même. Alors, peut-être pas jusque-là, mais c'est le principe, c'est de laisser la possibilité d'ouvrir la voie et Alors, qu'on une puisse. minute, on va peut-être d'abord expliquer ce que vient de dire Manuel, parce que quand même, là, je suis perdu, moi qui ne suis pas joueur de jeu de rôle. Alors, JDR, c'est l'acronyme de jeu de rôle, et Anna Karenine, c'est une référence à l'œuvre du même nom. Pour le coup, l'héroïne a une vie tragique. C'est pas Cosette, le jeu de rôle, si je peux utiliser une référence plus francophone et plus largement partagée. Oui, voilà, enfin, bah, exactement, Cosette, le jeu de rôle, ça, ce serait exactement la même chose, effectivement, tu as raison. L'idée d'Atenia, c'est de pouvoir permettre ces choses-là et de les permettre à une même table de jeu. Et qu'on puisse avoir des jeunes samouraïs qui veulent devenir, j'allais dire, maître Jedi. Maître Jedi, c'est peut-être un peu abusé, mais qui veulent devenir les héros du film, comme dans les autres jeux, si on a envie, et de pouvoir avoir ces rôles qui sont intéressants aussi à côté. Les deux types de rôles étant intéressants, mais c'est bien de pouvoir avoir de tout dans le groupe. C'est bien de pouvoir se permettre d'avoir justement et un Luke Skywalker et un Obi-Wan Kenobi sans devoir attendre que Obi-Wan Kenobi soit niveau 38 pour pouvoir commencer à jouer avec Luke Skywalker qui est niveau 1. Je sais pas si c'est clair en le disant comme ça. C'est un peu plus parlant, ouais. Pour revenir sur ta question sur les mécaniques, en fait, la première des mécaniques utilisées dans le jeu, c'est de demander deux choses différentes aux joueurs. La première, c'est quelle est l'ambition du personnage, c'est-à-dire qu'est-ce que le personnage veut devenir à la fin de la campagne, donc du nombre de parties qu'on se décide à jouer. Et inversement, de demander au joueur qu'est-ce que lui voudrait que son personnage devienne. Alors, l'idée, c'est que justement qu'on puisse permettre que ce soit différent. Alors, je vais reprendre un exemple à base de Luke Skywalker, parce que c'est un truc qui parle à tout le monde. Luke Skywalker, il est quoi au début des films, hein, si vous vous souvenez? Luke Skywalker, il est jeune fermier, je crois. C'est ça, il est bouseux sur Tatooine. C'est ça. Donc, le concept du personnage, c'est à peu près ça, donc le jeune fermier. Si vous me dites, vous venez me voir et vous me dites, voilà, on voudrait faire une campagne et on voudrait jouer des paysans sur Tatooine, pas de problème, je vais vous faire quelque chose qui va ressembler à Meurtre à la foire agricole de Tatooine. Là, vous allez revenir me voir et me dire, bon, Jérôme, t'abuses, c'est pas vraiment ça qu'on avait en tête quand on a dit Star Wars. Et là, il n'y a pas de problème, je vais vous dire, d'accord, ben, qu'est-ce que votre personnage il a envie de devenir? Est-ce que vous vous souvenez ce que Luke Skywalker a envie de devenir au début de l'épisode 4? Pilote, si je dis pas de bêtises. Alors c'est exactement ça, il a envie de devenir chef des méchants. Parce qu'il a envie de devenir pilote, donc officier à l'Académie impériale. Donc chez les méchants. Et si vous venez me voir, vous me dites, bon, ok, le coup du paysan, tu nous as eu, mais là, on a envie de faire l'histoire d'un type qui veut devenir pilote. Vous savez ce que je vous fais jouer? Vous pouvez trembler. Hein. Je vous fais jouer Top Gun. On a Alors, perdu je suis obligé Adrien de sur ce refaire du coup-là. montage. Non, on a complètement perdu Adrien. D'accord, donc tu nous fais jouer Maverick, quoi. Voilà. Et le troisième élément dont je parlais, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez que le personnage devienne? Donc là, vous revenez me voir et vous me dites, bon, Jérôme, là, franchement, t'abuses. Top Gun, c'est juste pas possible. La scène de volée, je vais pas survivre et je vais pas pouvoir la jouer avec Adrien. Donc, ce que je veux faire, c'est, je voudrais que mon personnage, c'est effectivement un paysan sur Tatooine, il veut devenir chef de pilote, mais en fait, ce que moi je voudrais qu'il devienne, c'est maître Jedi. Et là, il n'y a pas de problème. On va jouer un truc à partir de maintenant qui va commencer à ressembler à Star Wars. Et donc, on a trois éléments, le concept du personnage, ce que le personnage veut devenir à la fin de la partie, et ce que vous voulez qu'il devienne à la fin de la partie. Et le fait d'avoir ces trois éléments, ça crée quelque chose de beaucoup, beaucoup plus riche. Et puis tu peux introduire du coup un hiatus ou une destinée tragique. Exactement. Et alors, il y a un quatrième élément qui est effectivement la destinée tragique. Il s'appelle le destin dans le jeu, et qui permet de jouer là-dessus. Après, il y a d'autres mécaniques qui sont liées aux relations entre les personnages. Par exemple, plus les personnages se font confiance, plus ils ont des bonus pour s'aider. s'entraider, et plus ils ont des bonus pour se trahir. C'est-à-dire que si on se connaît très bien, si je veux te trahir, je saurai où taper pour te faire mal. Que ce soit métaphoriquement ou physiquement, j'allais dire. C'est une mécanique qui a été réutilisée dans des jeux comme Cold City ou Hot War, si je dis pas de bêtises. Alors oui, puis pour être tout à fait honnête, elle n'a pas été réutilisée depuis Tanga, c'est une mécanique qui existait déjà avant, dans un jeu qui s'appelait Mountain Witch, qui était un jeu d'ailleurs, moi à l'époque, dont j'étais persuadé qu'il était pas bon du tout, et je me suis aperçu après coup que j'utilisais les mêmes règles. Donc ça a été une petite leçon d'humilité. C'est intéressant parce qu'en fait, avant de préparer l'émission, j'avais un peu réfléchi aux jeux tristes auxquels je jouais. Donc, moi, ouais, je suis plutôt jeu vidéo, faut quand même l'avouer. Et j'ai remarqué que c'était l'aspect tragique venait souvent des PNJ ou en tout cas de l'autre et non pas du joueur lui-même. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans ce que tu dis. Est-ce que c'est forcément nécessaire justement qu'il y ait cet élément perturbateur? Et pas que ça vienne peut-être du joueur lui-même. Alors, en réfléchissant un peu au podcast, parce que je vous avoue que au départ, ça a été mais qu'est-ce qu'il me demande? C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la dernière fois, je suis intervenu sur une table ronde où ils s'appelaient tous des monstres. On m'a dit, tiens, on va penser à toi. Là, vous m'avez dit, tiens, on va faire un truc sur les jeux qui sont pas amusants, on va penser à toi. Je me demande un peu ce que ça va être le prochain, quoi. Si vous avez un sujet sur les jeux de merde, est-ce que vous allez penser à moi ou je sais pas. Mais là, a priori, en réfléchissant, je me suis dit que très souvent, quand on parlait de jeux tristes, en fait, on pense à la couche fictionnelle, on pense à l'histoire. Et très souvent, on l'oppose, par exemple, au gameplay, etc. Dans les faits, on n'est pas du tout obligé de faire quelque chose qui soit triste par l'histoire. On peut le faire, par exemple, par la tension. C'est quelque chose que va développer quelqu'un comme Raphaël Baroni. C'est-à-dire, on va avoir. Ce qui est important, c'est pas d'avoir des événements structurés qui vont faire que l'histoire est triste à la fin, mais c'est que constamment il se passe des choses qui nous mettent dans un état, on va dire mélancolique ou triste. Enfin, on peut avoir cette première opposition. Il y a un autre type d'opposition qui vous dit la couche fictionnelle, la couche mécanique. Alors, dans Olivier Caïra, qui est quelqu'un qui est très connu des rôlistes, en fait, parce que c'est un sociologue qui a écrit sur le jeu de rôle, a fait, dans un livre qui s'appelle Définir la fiction, parle de fiction axiomatique, c'est-à-dire c'est des fictions qui sont générées par la mécanique. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans certains jeux vidéo. Je ne sais pas si vous avez joué à Metal Gear Solid 4, par exemple. Alors, moi pas, Adrien a joué à des Metal Gear Solid vraisemblablement, mais pas le 4. D'accord. Il hoche de Dans la le tête, il me dit 4, que c'est bien ça. il y a un passage très particulier en fait qui est un peu le paroxysme du jeu et moi qui est une de mes séquences de jeux vidéo préférées de tous ceux auxquels j'ai joué, qui est un passage tout bête en fait où le personnage principal, Snake, va passer au travers d'un couloir qui est rempli, alors je crois que c'est de micro-ondes, qui en gros vont le cuire vivant. Et on voit en fait la moitié de l'écran est prise par des cinématiques qui reprennent des éléments de jeu où sont placés tous les autres personnages qu'on a amenés, des fois qu'on a joué, pour qu'ils soient en position de réussir ce qui est l'objet du scénario du jeu. Et nous, on a un pauvre personnage. Donc dans ce jeu-là, Snake, qui était autrefois une espèce de Rambo, est un vieillard. Et on le fait avancer en fait en appuyant sur un bouton tout simple, quoi. C'est presque du bouton de machine, sauf que ça va beaucoup moins vite. Et le personnage avance, avance, avance, avance, etc. C'est de plus en plus difficile, et on voit la musique changer. La musique, c'est le thème principal du jeu, qui s'appelle le Love Theme, qui est remodifié, en fait. C'est le seul moment, je crois, où on l'a réentendu dans le jeu. Et on voit au fur et à mesure en fait que le personnage a du mal à arriver au bout, on voit tous les éléments de la cinématique en gros passer mal tourné. Ses amis sont en très mauvaise position, ils sont face à très nombreux ennemis, etc. Et en fait, on va arriver à un moment où le personnage, d'après les codes et les règles du jeu, va mourir. C'est-à-dire sa vie tombe à zéro. Et on est en train d'appuyer sur le bouton normalement, mais juste comme un malade à ce moment-là. Et on va entendre, il y a une voix assez caractéristique quand le héros meurt, en fait, de ses amis qui sont en connexion audio avec lui, et qui l'appelle et qui hurle son nom. Alors je ne vous ferai pas l'imitation, mais. Le personnage. Le truc, c'est que là, en fait, le personnage va avoir un regain, c'est-à-dire que le jeu va tricher avec ses propres règles. Enfin, il va tricher. Il va donner l'impression de tricher. Et du coup, ben, redonner un second souffle dans tous les sens, en fait, au personnage et au joueur, et on va continuer à appuyer dessus. Et cet aspect dramatique est aussi mis en avant, en fait, par cet aspect technique, mécanique. Et ça donne une force toute particulière à ce passage. Alors, forcément, quand je le raconte, c'est beaucoup moins intéressant, mais. C'est un truc par exemple qu'on peut trouver très facilement sur YouTube. Bien sûr, le visualiser, ça n'a pas du tout le même impact que le jouer. Mais ça peut être un exemple de ce qu'on appelle une fiction axiomatique. Effectivement, je fais parallèle avec un autre épisode de cette série, donc moi qui a marqué mon enfance, donc c'était en 98, avec Metal Gear Solid 1. Psychomantis, peut-être? Hein? Alors, Psychomantis. le passage avec Psychomantis, effectivement, où on est obligé de tabasser un ami. Alors, bon, faut quand même éviter de le tuer, mais on doit le mettre KO, et donc, bon, on doit jongler avec sa barre de vie. Et effectivement, c'est la force de Hideo Kojima, donc le créateur de cette série, c'est d'intégrer le gameplay dans ses éléments narratifs. Est-ce que tu vois d'autres jeux comme ça qui intègrent vraiment le gameplay avec des ressorts tragiques? Parce que quand on pense jeu et tragique, en tout cas en tant que joueur de jeux vidéo, on pense surtout Walking Dead en fait. Alors, pour le coup, il y en a plein, plein d'autres. Et pas que des jeux alternatifs, sous le manteau, etc. Un jeu dont on a déjà parlé plusieurs fois, Spec Ops The Line, par exemple. C'est un jeu qui va intégrer ces éléments-là au travers de son gameplay. Et dans sa structure, il va proposer énormément de ce qu'on appelle des choix réflexifs. Les choix réflexifs, c'est des choix qui n'ont absolument. Alors, dans ce cas-là, hein, on peut être plus ou moins large sur la définition, mais qui n'ont aucun impact sur la façon dont l'histoire va se dérouler. Par contre, le fait d'avoir fait le choix, ça va modifier votre perception à vous, de vous-même, en fait. L'exemple même, c'est le choix de Sophie. Je donne un exemple dans le cadre plus guerrier enfin, plus guerrier, si je veux dire, de Spec Ops The Line. On a, un moment, on a un de ces. Donc, on joue un militaire américain pris dans les sables à Dubaï. Et on est avec deux coéquipiers. Il y a un coéquipier qui se prend une balle, qui est à terre, et la foule, en fait, vient s'en prendre à votre groupe. Et elle s'approche, elle vous fait des dégâts, etc. Vous pouvez décider de vous laisser faire. Vous pouvez décider de tirer sur la foule. Vous avez, c'est un TPS, donc un first person shooter, je tire en vue subjective, je ne sais jamais. Presque Objective. subjective, en vue survolante. Voilà. Et donc, vous avez pas de QTE en fait. Donc vous n'avez pas de menu qui s'affiche. Vous avez juste la possibilité d'utiliser ce qui est votre interface de tout le temps. Et un des choix proposés par le jeu, mais qui n'est à aucun moment explicite, c'est que vous pouvez très bien choisir de tirer, mais pas sur la foule, de tirer en l'air, par exemple. Et si vous tirez en l'air, la foule se disperse. Par contre, comme c'est un TPS, et comme ce jeu est aussi une critique du TPS, donc ça cadre aussi avec cette envie-là, c'est juste pas forcément ce que vous allez avoir, ce que vous allez faire en premier. Vous êtes habitué à voir tout ce qu'il y a devant vous, en fait, en termes de cible ou de non-cible, ou éventuellement de couvert. Mais pas du tout cette logique-là. On va le retrouver à d'autres moments où vous pouvez choisir on vous demande de tirer sur un homme qui est pendu et de l'exécuter. Pour le tuer, c'est simple. Vous faites comme partout dans le jeu, toujours la même interface. Vous prenez votre arme, le réticule, et vous pointez sur le corps et vous tirez. Mais rien ne vous oblige à le faire. Vous pouvez aussi bien donc tirer sur la personne qui vous demande de lui tirer dessus. C'est les deux choix les plus ou moins naturels dans le cas d'un TPS. Et vous pouvez très bien choisir d'attendre et de ne rien faire. Et là, il va se passer autre chose. Et alors, ça a l'air un peu étrange, parce que d'habitude, quand on parle d'utiliser les mécaniques pour la fiction, on parle de choses précises, de choses explicites. Par exemple, de QTE. Là, on est vraiment dans le cadre de l'implicite. On est dans le cadre de laisser les choix normaux. Mais ça rend ces passages très puissants, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait. Et puis c'est l'opportunité de d'interroger l'interface aussi, j'imagine. Alors, je crois que l'interface reste la même. Oui, mais Effectivement, justement, c'est proposer de ne enfin, rien c'est faire logique de dans un faire ça. jeu, c'est proposer de ne rien faire dans un jeu, c'est presque contre-intuitif finalement. Tout à fait. Et alors, ce jeu-là, même, à mon avis, va trop loin. Alors, pourquoi il va trop loin? C'est que c'est un jeu qui, quelque part, vous engueule parce que vous y jouez et vous demande d'arrêter d'y jouer. Quelque part, pour gagner à Spec Ops, il faut éteindre la console. Alors, personnellement, je trouve que c'est un peu facile. Je trouve bien qu'il y ait eu un jeu comme ça. Mais si demain, il y a un autre jeu qui sort sur le même principe, j'aurais vraiment l'impression que c'est du réchauffé et que c'est la solution de facilité. Celui-là, Oui, pour voilà. moi, n'est pas la solution de facilité parce que c'est le premier. Enfin, à ma connaissance, hein. Il y en a peut-être d'autres. Moi, j'aurais un autre exemple de jeu qui propose dans ses mécaniques des éléments durs moralement, affectivement, auxquels j'ai eu l'occasion de jouer il y a peu de temps, un jeu qui est sorti l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, c'est The Banner Saga. Alors, qui au-delà d'une très chouette bande son propose une histoire qui est une histoire de fin du monde ou presque, avec une gestion de communauté, à savoir que on alterne quelques scènes de combat, mais c'est pas là-dessus que je m'attardais, plutôt du récit effectivement avec beaucoup de dialogues, avec des choix multiples ou des situations avec des choix appliqués, donc quelque chose de finalement très très traditionnel. Et dans ce récit, on est le leader d'une communauté qu'on essaye d'emmener loin d'une menace qui s'approche, une menace qui est vraiment trop dangereuse, sauf qu'on doit constamment faire des choix qui vont être d'essayer d'aller attraper des ressources dans un endroit ou d'essayer d'aller se protéger, et que il m'a semblé, alors soit j'y jouais très mal, ce qui est une possibilité, soit systématiquement dans ces choix, il y a un moment où ça tourne mal, et en fait on passe son temps à essayer de trouver ce qui va tourner le moins mal. Mais ça va toujours mal tourner, et dans la mécanique de jeu, on a un indicateur très clair du nombre de civils qui nous suivent et qu'on a réussi à protéger, et qu'on va régulièrement baisser parce qu'on n'a plus de ressources, parce qu'on a pris la mauvaise décision. Du coup, on a toujours ce poids morale extrêmement difficile d'être responsable de la mort de personnes dans le jeu qu'on n'a jamais vu. Ça a toujours été des données chiffrées, mais il y a toujours un poids comme ça qui appuie sur les épaules et qui est vraiment difficile. On acquiert des compagnons au fur et à mesure, et en fonction de ces décisions, il y en a qui disparaissent. Alors c'est pas toujours les mêmes, mais il y en a toujours qui finissent par disparaître, par mourir, par rendre les armes, par fuir. Il y a vraiment une notion d'épuisement moral plus que physique, parce que c'est pas un jeu très physique, mais en tout cas il y a une vraie notion d'épuisement moral et d'épuisement des ressources qui va en même temps, qui chez moi en tout cas a provoqué une tristesse. Je sais pas si l'un d'entre vous deux a eu l'occasion de s'y essayer à ce jeu-là. Alors, oui. Oui. Globalement, c'est un jeu où tu as un peu en permanence cinq choix, en fait. Enfin, quatre ou cinq choix. C'est effectivement, le premier, c'est une question d'optimisation, c'est-à-dire de combien de civils ou de soldats tu veux sacrifier pour faire quelque chose. C'est ce qui va mesurer toutes tes actions. La ressource principale, c'est le nombre de personnes que tu perds. Le deuxième point, c'est de dire, est-ce que tu préfères avoir des civils ou des soldats? Qu'est-ce que tu préfères sacrifier entre les deux? Ensuite, c'est est-ce que tu préfères garder, enfin prendre tel risque sur ta population ou sur tes compagnons, puisque les compagnons, c'est des personnages que tu peux jouer dans des scènes de, enfin dans des jeux de stratégie, on va dire, Ouais, les qui scènes est de bataille, des escarmouches, ouais. voilà des batailles tout à fait. Et tu as l'aspect entre guillemets moral qui vient se rajouter, qui est on te propose des choix qui sont moralement difficiles. Est-ce que tu préfères mettre ta population en danger ou est-ce que tu préfères faire le bon choix entre guillemets? Et on se retrouve à avoir constamment à constamment devoir arbitrer là-dessus. Moi j'ai beaucoup aimé certains points de Banner Saga. La musique par exemple qui est juste à tomber, la direction artistique. Je suis je suis plus réservé en termes de gameplay. À cause d'un élément tout bête, en fait, c'est que tu as constamment à faire ces choix, mais tu peux pas réellement apprendre. C'est-à-dire, tu peux devenir meilleur pour gérer les scènes de bataille. Il n'y a aucun problème. Et tout ce qui se passe entre les scènes de bataille, tu fais des choix sans vraiment savoir ce qui peut arriver, en fait. T'as pas vraiment de maîtrise. C'est-à-dire que c'est prévu que si tu fasses ce choix, il se passe tel truc. Tu perds, par exemple, tant de population. Si tu fasses tel autre choix, telle personne se barre. Mais quand tu vas avoir un choix similaire la fois d'après, ben, ce sera peut-être inversé en fait. Et toi, en tant que joueur, ça revient à choisir au hasard. Et Et c'était. ça donne le sentiment de toujours prendre la mauvaise décision. Alors tout à fait. Oui. Dans ce sens-là, ça rajoute à ce que tu décrivais très bien, hein, ce sentiment d'attrition permanente, encore une gamelle qui nous arrive dans la figure, etc. D'un point de vue. J'allais dire peut-être découpler des émotions plus analytiques. C'est cet aspect-là, moi, qui me dérangeait de dire ok, je suis prêt à ce qu'il m'arrive des trucs dans la tête, je suis prêt à faire des choix stratégiques dans une situation désespérée, mais je voudrais que ces choix puissent être stratégiques. J'ai une Cela dit, question oui. à propos de tout ce qui a été dit, par exemple sur un jeu comme Banner Saga, mais aussi sur d'autres jeux où il y a des choix. Est-ce que en fait l'argument ne serait pas juste ça donne une rejouabilité au jeu? Alors, c'est le problème pour moi de partir sur cette option de choix, c'est. Alors, j'avais commencé là-dessus tout à l'heure, puisque d'habitude j'ai digressé, mais c'est. En fait, cette notion de choix, souvent, te place dans une logique où tu es. Où c'est l'intrigue qui va te rendre triste. Et comme j'essaie d'expliquer tout à l'heure, en fait, c'est pas forcément le cas. Tu as plein d'autres possibilités. Je donnais l'exemple tout à l'heure de Metal Gear Solid, alors c'est effectivement relié à l'intrigue aussi, mais c'était pour donner un exemple de comment les mécaniques pouvaient amener ce sentiment de tristesse. Tu as plein d'autres façons. Par exemple, tu as un jeu qui s'appelle To the Moon, où là, la tristesse, on va dire, la mélancolie va être amenée par l'opposition entre le gameplay et la fiction. C'est-à-dire que d'habitude, on essaye de les faire coller ensemble. C'est ce qu'on va trouver dans, effectivement, des Metal Gear, c'est ce qu'on va trouver dans un jeu comme Silent Hill 2, qui est pour le coup un coup de maître sur la coordination entre les deux. Et des jeux comme To the Moon, et peut-être comme The Walking Dead aussi, ça va être totalement l'inverse. Vous y avez joué à To the Moon ou pas? Alors moi pas du tout et Adrien non plus me fait-il D'accord. signe. Alors, pour expliquer très rapidement, To the Moon, en fait, c'est un jeu qui a été. C'est un jeu, alors, d'une. L'auteur s'appelle Kan Gao. Je pense que la société s'appelle Freebird Games, un truc comme ça. Je suis pas sûr, mais on pourra peut-être retrouver et mettre les liens Bien sûr. sur le podcast. Mais c'est un jeu qui a été fait. Alors, je pense que c'est avec RPG Maker ou un truc comme ça. Donc, ça a une tronche d'un jeu de rôle japonisant, époque 16 bits, quoi. Sauf qu'il n'y a pas un combat dans le jeu. Et donc, on a des personnages qui déroulent, en fait, des menus, qui se déplacent dans des environnements en fausse 3D, enfin 2D et quelques. Et on joue deux scientifiques qui se rendent auprès d'un mourant, dont le rêve, en fait, est d'aller sur la Lune. Et qui vont aller en fait dans sa mémoire. Alors je me souviens plus si c'est pour lui enlever cette volonté-là, pour lui faire croire qu'il y a des réalisés, Je crois que c'est pour lui enlever cette volonté-là, pour qu'il puisse mourir heureux, en fait. Et en faisant ça, les joueurs, en fait, on revit enfin un peu toutes les étapes à rebours de la vie de ce malade, de cette personne âgée. Et on passe par des périodes à la fois très douloureuses pour lui, à la fois très heureuses aussi par certains moments. Il y a une vraie mélancolie, c'est très très bien amené. C'est un jeu qui se joue en une petite soirée. C'est un jeu, ça fait partie de ces jeux où on a l'impression que le gameplay ne sert à rien. Je pense que c'est pas le cas du tout, hein, mais on a cette impression-là, mais où en fait le gameplay, la façon dont le genre en fait, presque le genre ludique si j'ose dire, est tellement en opposition avec l'histoire, ça crée quelque chose. Un peu comme dans. Alors, je trouve que dans The Walking Dead, alors je connais pas la série de BD, mais apparemment c'est fait pour ressembler. Le style graphique est très loin du photoréalisme, fait gagner énormément en expressivité en fait des personnages. Et fait que certaines scènes sont même relativement dures à tenir, alors qu'elles sont pas du tout photoréalistes, quoi. Je sais pas si c'est très clair. Si, si. On a fait un bon détour par le jeu vidéo. Je propose qu'on revienne un petit peu au jeu de rôle, puisqu'on avait commencé à évoquer Tenga, donc sur le travail d'auteur, mais en tant qu'observateur aussi de ce qui se produit en jeu de rôle, j'imagine que tu as pu découvrir, tester, voir d'autres jeux qui proposent une expérience de la tristesse. Alors, dans les jeux notables, je pourrais t'en citer notamment, enfin deux. Un qui s'appelle Phaser et un qui s'appelle Monster Heart. Alors Phaser, je vais aller très vite, hein, parce que c'est un jeu auquel j'ai pas joué. C'est un jeu en fait où donc ce jeu, c'est un jeu norvégien qui est fait pour être joué relativement rapidement, sans dé, je crois, ou quasiment sans dé, On et précisera quand qui même brièvement que, si je ne dis pas de bêtises, les Norvégiens sont relativement connus pour leur capacité à produire des jeux de rôle qu'on pourrait presque qualifier d'expérimentaux. voilà, alors ils ont aussi plein de jeux de rôle normaux, mais ça c'est tout à fait dans la branche expérimentale, tu as tout à fait raison de le préciser. Et ce jeu-là, enfin pareil, on pourra mettre le lien sur le podcast pour le retrouver. Ça vient d'une anthologie qui s'appelle Norwegian Style, donc à la norvégienne. Donc ce jeu, c'est un jeu qui se joue autour d'une table avec quatre chaises, mais uniquement trois participants. Et il y a une chaise vide tout le temps qui représente le père de famille qui est mort. On joue une famille. Donc déjà, rien que ça commence un peu glauque. Et ça pose le cadre pour la suite. Et après, on va raconter en fait des scènes de la vie avec le père. Et globalement, il y a un des participants qui sera en train d'expliquer constamment à quel point le père était abusif, maltraitait tout le monde, etc. Et l'autre qui trouvera en gros, des fausses excuses. Et ce type de jeu, enfin, très, très sincèrement, moi, j'ai pas voulu y jouer parce que je l'ai lu à un moment très particulier de ma vie. Enfin, je l'ai lu, en fait, sans savoir ce que c'était, à l'anniversaire de la mort de mon père. Jour pour jour, un an après sa mort, en fait. Et ça m'a pas du tout tenté de le tester à ce moment-là. C'est Peut-être concevable. qu'aujourd'hui, ouais, peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait que j'essaye, je ne sais pas du tout. Mais ce simple dispositif, cette chaise vide, tout ça, ça me semblait très très évocateur. Ça a l'air, alors peut-être pour les auditeurs qui n'ont pas l'habitude du jeu de rôle, ça a l'air de rien quand on dit comme ça a l'air un peu ridicule. Mais dans les faits, quand on se prend au jeu, c'est souvent des éléments qui pèsent en fait et qui ont un réel impact. Le second jeu enfin, qui me vient en tête, c'est un jeu qui s'appelle Monster Heart. C'est un jeu relativement récent, d'un auteur qui s'appelle Avery Naldo, je sais pas bien le prononcer, et qui est un jeu alors dérivé d'Apocalypse World, qui est un jeu qui a beaucoup fait parler de lui ces dernières années, et qui en gros propose de vivre, qui propose d'incarner des vampires, loups-garous, enfin des trucs à la Buffy ou à la Twilight, dans un lycée américain. Alors, c'est, enfin, à Comme mon ça part sens, pas ça, très tragique, hein. ouais, voilà, ça se rapproche pas forcément de l'habitude, mais en gros, c'est un jeu sur l'ostracisme. C'est un jeu sur le fait que les monstres, en théorie, donc qui incarnent les personnages, sont de loin les plus humains du lycée, et que les gens normaux du lycée, entre guillemets, sont eux des gens qui ont des comportements monstrueux. Et ce jeu-là, en quelques modifications de règles, en quelques points, réussit à créer un jeu, en fait, un nouveau genre de jeu, c'est-à-dire un jeu d'horreur, mais où l'horreur, elle est sociale. Ou, enfin, sans faire dans la station de balle, où vraiment, où l'enfer, c'est les autres, quoi. Et ce jeu-là, alors, c'est un jeu qui peut aussi être amusant, qui a très bon moment, etc. Encore une fois, faut pas verser dans le misérabilisme. Mais il permet de jouer ces choses-là, et c'est quelque chose de très très rare en jeu de rôle, je trouve. Ça me fait penser à deux. Alors, je suis désolé, on va revenir un peu aux jeux vidéo. Mais après, promis, je reviens aux jeux sociaux, aux jeux non vidéoludiques. Ça me fait penser à deux jeux. Alors, le premier, c'est que tu parles de violence sociale. Moi, ça me fait penser à Hotline Miami, qui est sans doute un de mes jeux préférés actuels. En gros, le premier, on vous appelait, vous receviez un coup de téléphone qui vous disait d'aller à telle adresse pour massacrer tout le monde, et vous le faisiez. Vous pensiez avoir tué le boss de fin, et à la fin, vous apprenez, enfin, pas à la fin plutôt, en fait, au milieu du jeu, vous appreniez que bah, vous étiez manipulé. Bah, seulement, en fait, enfin, voilà, c'est votre personnage, je ne le savais pas. Ça, c'était le premier qui, en fait, était une critique des jeux de violence. Donc, on se dit, bon, voilà, ils ont fait leur critique des jeux de violence, ils ont fini. Et en fait, là, pour le deuxième, il y a un truc qui est assez intéressant, je ne l'ai pas encore fini, mais qui fait déjà réfléchir dans le milieu du jeu. C'est, en fait, la gradation. Du choquant, du monstrueux. Parce que, alors, en fait, au début du jeu, on vous dit attention, ce jeu contient des trucs choquants, voulez-vous enlever les trucs choquants? Tu dis oui ou non? Bah, forcément. Juste, excuse-moi, Ouais? je t'interromps. Dans les paramètres de la version française, Ouais? il t'explique, dans les paramètres de la version française, en fait, dans les options, il te dit même plus que les trucs choquants. Il te dit de quel type de scène il parle, en fait. Ouais, justement, j'allais y venir, ouais. Pardon. Et effectivement, donc en fait, les trucs choquants, pour être exact, donc c'est tout simplement une scène de viol, hein, soyons francs. Parce qu'en fait, le premier niveau du Hotline Miami 2, donc tu arrives dans l'endroit, tu massacres tout le monde, et à la fin, bah, avant de faire ton finish pour tuer le dernier, bah, en fait, ton personnage viole un autre personnage. Et. En fait, mine de rien, en montrant où la première interaction que tu as avec le jeu, c'est choisir si tu violes ou pas, c'est te dire en gros, alors voilà, ça y est, t'as choisi si tu violes ou pas, maintenant tu peux faire toutes les pires horreurs. Or, c'est quand même une gradation de la violence, et moi j'ai l'impression, je sais pas si tu partages cet avis, Jérôme, que ce jeu interroge des logiques monstrueuses. Deuxième exemple que je voulais, histoire de finir un peu ma parenthèse jeu vidéo, après on revient aux autres, c'est Brother Two Tales of Son, je crois, qui, en fait, on incarne deux frères qui vont chercher un médicament pour sauver leur père qui est mourant. On doit grimper une montagne. En fait, ce jeu repose sur l'utilisation des deux sticks de la manette, le gauche pour un frère, le stick droit pour un autre frère. Et bon, je vais spoiler un peu. Un moment, un des deux frères meurt. Hop, on continue avec un seul stick à évoluer. Jusqu'au moment où, voilà, à une difficulté, on doit utiliser l'autre stick. On doit utiliser le frère qui est manquant. Et c'est une scène assez intense et qui fait prendre vraiment corps l'élément tragique dans le gameplay. Donc voilà, ça c'était la parenthèse qui. Je crois que Manu, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, parce que autant sur Brother Tale of Two Sons. Tale of Two Sons, voilà, on conçoit bien effectivement la perte et le travail de faire ressentir la perte avec ce que ça peut avoir de tragique. Je me posais la question, et je sais qu'en préparant ce podcast, en discutant avec Jérôme, on avait évoqué Hotline Miami. Est-ce qu'on n'est pas dans la question de la violence et est-ce que la violence et la tristesse, c'est la même chose? Et j'ai des doutes là-dessus. J'aimerais bien qu'on y revienne tout à l'heure sur. Ouais, on est plus effectivement dans l'horreur que dans la violence. J'aimerais bien qu'on revienne tout à l'heure sur notamment sur Hotline Miami et puis sur ces questions-là parce que pour le coup, c'est des choses sur lesquelles je crois qu'on peut réfléchir un petit peu aussi. Je voulais juste vite fait, très vite fait, tu vas terminer sur le jeu de rôle parce que alors je sais que Jérôme a une mauvaise expérience sur un jeu que je voudrais citer, mais qui il me semble est dans le prolongement des deux exemples qu'il nous a donnés. Il s'agit du Polaris de Ben Lehman, dont le sous-titre est Aventure tragique dans le nord lointain, quelque chose de cet ordre-là. Ça n'a pas encore été traduit en français. Et pour le coup, là, la notion de tragédie, elle est intégrée presque dès le titre du jeu. Jérôme? C'est une question. Oui, c'est une question. Oui, il y a le mot tragédie dans le titre. Enfin, je comprends pas bien Mais ta c'est question, un pardon. jeu, c'est un jeu. Toi, je crois que tu as eu l'occasion de l'essayer. Alors, il me semble que ça s'est pas très bien passé en Alors, partie, c'est ça? oui, nous on y a joué. La partie a été. J'ai pas de mots polis pour dire merde sans dire merde, en fait. Allez, ça n'a Effroyable. pas été une réussite, quoi. Effroyable, c'était un fiasco total, sauf que fiasco, d'habitude, j'utilise pour parler d'un bon jeu. Maintenant, je ne suis pas sûr du tout, et je soupçonne même que ce soit. Enfin, je pense que c'est pas la faute du jeu, en fait. Je pense que ce soir-là, soit on n'a pas compris les règles qu'on a utilisées, c'est-à-dire que c'était dans un groupe où on testait quasiment toutes les semaines des jeux différents. Et une des personnes lisait le jeu, venait avec, etc. Donc peut-être que c'est la personne qui a maîtrisé ce soir-là. Alors je ne sais même plus si c'était quelqu'un d'autre ou moi, enfin, vraiment qu'une idée a mal compris le jeu. Peut-être que, puisque c'était un jeu très différent de ce qui existait à l'époque, hein, c'était vraiment un jeu très novateur sur le partage de la narration notamment. Peut-être que c'est un jeu, enfin, peut-être que juste ça n'a pas pris à la table. Je sais pas du tout. C'est un jeu auquel j'aimerais rejouer parce que je trouve intéressant de redonner une seconde chance à ce jeu, dans le sens où c'est un jeu qui a eu énormément d'impact d'un point de vue historique. Un peu comme des jeux comme My Life with Master, par exemple, qui sont des jeux qui ont vraiment amené plein de choses, et se dire, ok, peut-être que le jeu n'est pas pour moi, j'en sais rien, peut-être que le jeu est pour moi, peu importe, mais je voudrais y jouer, enfin, réussir une fois d'y jouer dans de bonnes conditions, pour me faire un avis plus éduqué, disons. Pour Par le coup, contre, moi, du coup, j'ai pas grand-chose à dire sur la tragédie, quoi. c'est un jeu que j'ai eu l'occasion d'essayer. Ce que je trouve intéressant, il y a deux mécaniques notamment que je trouve intéressantes et qui favorisent des histoires tristes et tragiques en l'occurrence. La première, c'est la mécanique d'opposition, puisque pour le coup, on a une mécanique qui se passe quasiment de hasard et de jet de dés avec un principe simple qui est de quand le héros tente de réussir une action, son adversaire, puisque c'est un jeu où il y a un joueur qui joue le héros, l'autre l'adversaire, et puis les deux joueurs échangent de rôle régulièrement. Donc son adversaire lui dit, ok, tu peux faire ce que tu veux si et seulement si tu acceptes telle ou telle conséquence. Très exactement, tu peux réussir à blesser mortellement telle ou telle personne qui t'a causé du tort si et seulement si dans la manœuvre tu perds ta main d'arme et tu te fais trancher la main et tu perds ta main. Et le joueur est constamment obligé de non pas de négocier mais en tout cas, d'accepter que quelle que soit l'action qu'il va tenter, il y aura des conséquences néfastes et qu'il va devoir vivre avec le poids de ses décisions et que plus il en demandera, plus il devra assumer les conséquences. Ça, c'est la première mécanique. Donc, avec quelque chose où on part en se disant, il n'y a aucune chance que je gagne à 100%, au mieux, je gagnerai à 50%, quoi. Et l'autre mécanique, c'est la mécanique de progression, puisque en gros, plus un personnage progresse, plus en fait, il se rapproche du démon, son adversaire. Et finalement, le héros, le chevalier qu'incarne le joueur, n'a que deux issues possibles, la mort ou devenir son adversaire, devenir la même chose que son adversaire. Donc la mort ou la compromission. Et de ce point de vue-là, là, on est vraiment dans une approche où c'est la mécanique qui va à nouveau générer l'histoire et c'est la mécanique qui va générer la tragédie. C'est comme ça que tu as eu l'occasion de le lire un petit peu ou vraiment juste tu t'es arrêté à une... C'était il y a 10 ans, je ne me souviens plus du tout. D'accord, ça commence à faire un petit peu longtemps. Je me souviens qu'il y a un partage... je me souviens que quand un joueur parle en face de lui, son vis-à-vis joue l'antagoniste, que sur les côtés... C'est un jeu qui joue uniquement à 4, hein, que sur les côtés, en fait, chaque joueur est chargé d'apporter des choses différentes à ce qu'amène le joueur, à ce qu'ils sont en train de raconter, en fait. Mais après, sur le reste, non, je suis désolé, ça remonte à il y a trop longtemps. Mais encore une fois, je ne pense vraiment pas qu'il faille en tenir rigueur au jeu, et vraiment au contraire, je pense qu'il faut le réessayer, qu'il faut que je prenne le temps et redécouvrir ça. Enfin, ça existe, les rendez-vous manqués, quoi. Tu as cité aussi My Life Without Master. With Master. With Master. Tu le classerais dans la catégorie des jeux qui provoquent pas forcément de l'exultation et de la franche rigolade, hein? Alors, effectivement, c'est... My Life with Master, c'est un jeu qui est un peu compliqué pour en parler, pour notamment une raison. C'est que... Sans trop rentrer dans la technique, en marge des jeux de rôle, ou à l'intérieur de la famille des jeux de rôle, ça dépend comment on voit les choses, est en train d'apparaître depuis quelques années maintenant, soit une sous-catégorie, soit une autre catégorie, qu'on appelle les story games. Ce sont des jeux où, par opposition aux jeux de rôle classiques, où on va surtout tenter de résoudre des problèmes au travers de son personnage, c'est-à-dire où le personnage va être à la fois une ressource et à la fois une limite, on va se retrouver à surtout décrire, en fait. Ça va être des jeux essentiellement d'expression. L'exemple que je prends souvent pour expliquer ça, c'est que dans un story game, alors selon ma définition à moi, hein, qui n'est pas du tout universelle, dire que je tape sur un dragon ou dire que je tape sur un chien, il n'y a aucune différence, puisque ce qui compte, c'est ce que je dis et pas ce que mon personnage fait. D'accord ? Alors, je sais pas si c'est très clair comme ça, mais il y a ce changement, en fait, en termes de jeu qui est apparu depuis quelques années et qui est pour moi important parce que c'est un changement de... On ne sollicite pas les mêmes compétences de la part des joueurs, en fait. Mmh. Pour moi, on ne joue pas au même jeu. Alors, ça n'empêche pas qu'on peut jouer aux deux et qu'on n'a pas de raison d'être snob de l'un vers l'autre ou quoi que ce soit. Hein. Mais My Life with Master, c'est assez compliqué parce que c'est pour moi le chaînon entre ces deux types de jeux. Et il a des mécaniques, en fait, qui sont encore du jeu de rôle. Quand l'auteur l'explique, il utilise le langage classique du jeu de rôle. Mais il est assez embêté pour expliquer ce qu'il veut faire. Et il se retrouve en fait à beaucoup expliquer ce qu'il ne faut pas faire, à dire beaucoup de choses de type « Non, mais ce qui est vraiment important, c'est que vous en discutiez ensemble, les joueurs. » Et à mon avis, ce qui pourrait apparaître comme des défauts, en fait, c'est parce qu'il est en train d'inventer un nouveau type de jeu. Et donc, dans My Life with Master, c'est on va raconter des choses qui peuvent être tragiques. Le principe du jeu, je m'aperçois que je ne l'ai pas évoqué, c'est, par exemple, on va jouer les serviteurs de Dracula ou les serviteurs de Frankenstein, comment il s'appelle, Igor, je crois. Et on va faire ce que le maître nous demande, sachant qu'à côté, il y a un village, que dans le village, on n'a pas forcément envie de faire des saletés, mais si le maître nous le demande, ben on est un peu obligé, et qu'il y a sans doute une villageoise dont on va tomber amoureux dans le tas. Ce qui peut nous pousser ou pas, selon comment se passe le jeu, à nous rebeller contre le maître à la fin. Et soit nous rebeller à gagner, soit à fuir, soit nous rebeller et à perdre, et à mourir. C'est des options possibles. Donc ce jeu, pour moi, on va évoquer des choses ouais, tragiques, dramatiques, mais on va les jouer sur un mode assez différent des jeux de rôle qu'on a évoqués par exemple tout à l'heure. Parce C'est que... pas dans les Oui. règles en fait, c'est ça que tu veux dire. Excuse-moi. C'est au niveau des règles de bah, du gameplay en fait que. Ouais, moi je rapprocherais l'esthétique, enfin esthétique au sens esthétique ludique, hein, c'est-à-dire ce qui fait qu'un jeu est beau ou bon, selon comment on veut l'appeler, c'est-à-dire indépendamment de l'objet. Je vais peut-être faire une comparaison avec Limbo pour revenir dans les jeux vidéo. Vous y avez joué tous les deux à Limbo? Oui. Oui aussi. Alors, Limbo, par exemple, moi, c'est un jeu qui utilise déjà une palette de couleurs très réduite. Des effets sonores qui se rapprochent de la tristesse, etc. Mais moi, quand je joue à Limbo, c'est pas du tout un jeu qui me rend triste. Ça a pas du tout cet effet sur moi. Je trouve pas que Limbo soit un jeu triste. Je trouve que c'est un jeu qu'on a déguisé en jeu triste. Je sais, enfin, c'est un peu bizarre comme façon de le dire. Parce que en fait, c'est la façon dont on décrit les choses. Il y a un décorum de, je sais pas si faut dire gothique, baroque. Enfin, il y a un décorum un peu sombre. Je trouve que dans My Life with Master, parce que c'est un jeu où on est surtout dans l'expression, mais encore une fois, on commence à l'être. Hein, c'est vraiment un jeu frontière entre guillemets. On commence à avoir, on perd un peu cette tension qu'on a. Par rapport à un jeu de rôle classique, parce qu'on est dans l'expression, parce qu'on sait au début d'une scène, hein, plus ou moins comment elle va se finir, ce genre de choses. C'est peut-être pas clair, je sais pas bien, mais là pour le coup, c'est vraiment des choses Ça va, on suit bien. qui parlent aux rôlistes et puis peut-être pas à tous en plus. Donc. Non, effectivement, ce que tu essaies d'expliquer, enfin, en tout cas, moi je le comprends parfaitement dans Limbo. Limbo peut être vu comme un platformer, puzzle game, et en fait, c'est plus le graphisme, le son qui vient infuser la tristesse que vraiment les mécaniques. Genre un Je parallèle à... reprends. Ouais, pardon, vas-y. Vas-y, reprends Jérôme, et puis je reviendrai après avec mon parallèle. Tout à l'heure, vous parliez de Brothers, Tale of Two Sons. Moi, c'est un jeu auquel j'ai joué aussi. Et je suis plutôt bon client des jeux tristes, etc. Et ce jeu n'a juste rien provoqué chez moi. Parce que j'ai l'impression d'avoir vécu. J'ai eu l'impression d'avoir vécu les scènes qu'il y avait dans ce jeu-là plein de fois déjà. Et que s'il y avait une trouvaille qui était sympa, effectivement, le coup des deux pads, ou des deux zones du clavier, si on joue avec le clavier, ben en fait, très vite, ça. Alors, je veux dire, ça s'essouffle. Ça s'essouffle si on a joué à des jeux qui sont sur des thématiques très proches, en fait. Et voilà, au moment où j'y ai joué, je trouvais que c'était un jeu très joli, très intéressant. Pareil, musique très sympathique, mais j'avais déjà l'impression d'y avoir joué plein de fois. Et au moment où le drame arrive, ça m'a l'air tellement tendu, en fait, que vraiment ça n'a pas marché chez moi. Par contre, j'ai de très bons amis qui m'insultent régulièrement à cause de ça, mais ou chez eux, ça marchait à fond. Pour revenir à Limbo, comme il était évoqué un peu plus tôt, j'avais un parallèle, donc je reviens avec mon parallèle, il finit par revenir. J'allais citer un jeu qui, je crois, est cher à vos cœurs à tous les deux, il s'agit de The Binding of Isaac, où j'ai un peu la même sensation, c'est-à-dire que moi je suis pas hyper client de The Binding of Isaac, et je sais que ça va m'attirer aussi quelques insultes, mais en tout cas j'ai un peu la même sensation, c'est-à-dire qu'on met un décorum noir, dur, triste, mais que finalement le gameplay est assez peu relié à ce décorum, comme dans Limbo on a... voilà, une esthétique sombre, quasi gothique, avec un jeu qui est voilà, un platformer, un jeu d'énigmes. Dans The Binding of Isaac, on a un roguelike, en gros, hein, je caricature un peu, mais on est quand même dans cet C'est ça, esprit-là. oui. Un roguelike avec une esthétique autour qui est sombre, qui est presque, enfin, je dis presque, mais en fait, vous pouvez mettre ce presque entre parenthèses malsaine. Et finalement, on est pris dans l'excitation. Pour le coup, c'est un parallèle que je voyais avec aussi quelque part avec Hotline Miami. Hotline Miami, on sent bien que c'est un jeu qui est fait pour interroger la violence, mais quand même, quand on y joue, à un moment, on arrête de se poser la question, on tire dans le tas. Alors sur sur Binding of Isaac. C'est un jeu qui aborde des thèmes ou enfin, une métaphore qui est vraiment glauque, hein, pour le coup, qui fait pas semblant. Donc pour les gens qui connaîtraient pas, c'est l'histoire d'un enfant ou d'un bébé que la mère qui entend la voix de Dieu a décidé de sacrifier pour faire plaisir au Seigneur. Et tout dans le jeu, en fait, rappelle ces éléments-là, plus écouter Scato permanent, et la puissance du personnage, en fait, évolue avec à quel point, si on suit la métaphore, il se ferait mal, ou à quel point il serait triste. L'arme qui correspond au tir rapide, si je me souviens bien, enfin le bonus qui correspond au tir rapide, c'est une tumeur. Enfin, c'est ce genre de truc, quoi. C'est Si je me guéri rappelle comme bien, ça. son arme par défaut, c'est des larmes. C'est des larmes, ça peut être des larmes de sang qui font plus mal, ou ça peut être de la pisse qui tire très vite. Mais pas très loin parce qu'il est jeune. Donc oui, c'est vraiment très glauque. Par contre, quand on y joue, c'est effectivement c'est un jeu très énergique qui on se fait plaisir quoi et on oublie totalement cet aspect-là. Et c'est pour ça qu'en termes de comment dire, en termes de graphisme, en termes de thématique, c'est là, mais en termes de encore une fois d'esthétique au sens ludique, il n'y a vraiment rien de tel. Sur Hotline Miami, je suis un peu plus gêné en fait. Parce que pour moi, ça se rapproche de beaucoup de jeux qui parlent par exemple de certains types de discrimination ou du sexisme ou de choses comme ça. C'est ce que beaucoup reprochent, par exemple, reprochaient il y a 20 ans au film de Verhoeven et vont reprocher aujourd'hui au film de Snyder. C'est-à-dire, on va dire que ce sont des choses qui sont contre la violence. Mais ils en exploitent à fond l'esthétique et le plaisir qu'on a à y jouer. Donc, je sais pas du tout où ça se situe. Moi, je connais pas les intentions des auteurs là-dessus. Je sais que le jeu me plaît beaucoup et je sais qu'autant le premier, des fois, je pouvais me poser des questions sur pourquoi ça me plaisait ou pas. Autant le second, peut-être parce que le scénario est moins bien ficelé aussi. Le second, ça passe tout seul en fait. C'est entre guillemets, on se pose plus de questions, quoi. C'est déjà là. L'exemple donné tout à l'heure sur la scène de viol, elle dure 10 secondes, on voit rien, enfin, gros, on voit rien, mais ça fait plus transgressif pour le plaisir qu'autre chose, je trouve. Mais après, peut-être que j'ai pas les clés, hein. On en est à 1 heure de podcast. Je pense qu'on va s'autoriser un petit peu de débordement. Moi, j'avais pour le coup, Adrien, tu avais une question. Alors, je sens qu'on a parlé de Hotline Miami tout de suite. Tu es fébrile. Même pas vrai. Non, non, effectivement, moi je pourrais parler des heures de ce jeu. Je lui trouve plein de qualités et voilà. Mais non, en fait, je me rends compte qu'effectivement, on a parlé pendant 1 heure, mais on n'a pas parlé une seule fois de jeu de société. Alors, je me pose la question parce que en fait, mine de rien, je me rends compte que sur l'heure qu'on vient de passer ensemble, on a parlé beaucoup du scénario. Et alors quelquefois de gameplay, de comment le gameplay pouvait servir le scénario, encore. Et je me rends compte qu'en fait, je me demande, est-ce que le jeu de société ne serait pas par définition non triste, parce que c'est un jeu qui se joue en groupe autour d'une table, qui est un peu une tradition familiale. Et tout simplement parce que le jeu de société est peut-être plus proche du gameplay, dans le sens du jeu, des règles, que de l'histoire. C'est une question très compliquée, hein. Alors effectivement, on a beaucoup parlé de scénario. C'était le point que je voulais mettre en avant tout à l'heure, mais à chaque fois que je digresse, pour moi, enfin, j'aurais aimé prendre le temps, mais peut-être après cette question-là, de montrer toute la variété de choses et d'outils par lesquels on peut faire passer cette tristesse ou cette mélancolie. Et peut-être, ouais, ce sera bien de prendre le temps tout à l'heure de le faire. Juste pour l'aspect jeu plateau, moi j'avoue que je m'y connais pas beaucoup en jeu plateau, d'une part. Par contre, je connais au moins un jeu qui est très frappant à ce niveau-là, qui est un jeu qui s'appelle Train, par Brenda Romero, qui était plus connue avant sous le nom de Brenda Braithwaite, qui a pas mal bossé sur la série des Wizardry, notamment en jeu vidéo. Je sais pas si ça vous parle. Pas du tout. D'accord. Elle a fait un jeu de plateau, alors qui n'est pas du tout destiné à la vente, hein, et puis vous allez vite comprendre pourquoi, qui se joue dans sa cuisine, et enfin, j'imagine dans d'autres cuisines aussi, et qui se joue sur une espèce de fenêtre visée. Et en gros, l'objectif, c'est de mettre des meeples, des pions, quoi, plus ou moins des bonhommes, dans des trains et de les dispatcher. Comme il y a plein, je veux dire, il y a plein de jeux de train, voilà, c'en est un. Sauf que dans ce jeu, en fait, la destination, c'est des cartes qu'on retourne. Et dans ce jeu, il y a une destination qui s'appelle Auschwitz. Et en général, à ce moment-là, quand on la tire, la partie prend une toute autre signification. Vous verriez les yeux d'Adrien. Alors, qu'on se comprenne bien, c'est un jeu qui n'est pas commercialisé, qui n'a pas prévu d'être de commercialisé. C'est un jeu qui est presque un jeu concept, si j'ose dire, pour montrer. C'est-à-dire que tous les gens qui ont joué à ce jeu, elle y a joué avec eux. D'accord? C'est pas, c'est comment dire, c'est pas un truc de propagande. C'est juste quelque chose pour montrer que même au travers des jeux qui nous semblent les plus basiques, on peut provoquer des émotions et des réactions et des questionnements sur des choses beaucoup plus complexes que la frivolité apparente du jeu. D'accord? C'est pas, faut pas y chercher la justification de n'importe quelle horreur, quoi, hein, c'est pas du tout l'objectif. Et c'est sans doute pour ça que, encore une fois, il n'y a pas de distribution, il n'y a pas tout ça. Mais voilà, typiquement quand vous jouez à ce jeu, enfin, on se doute bien qu'on va pas, déjà qu'on va pas forcément y rejouer deux fois. En tout cas, que la seconde fois, ça marchera pas aussi bien. Et que c'est enfin on le fait pas forcément en se donnant des coups de coude dans les côtes quoi. Après c'est un exemple qui a plein de trucs assez caractéristiques. Par exemple c'est un jeu qui fonctionne de façon sur un twist si j'ose dire, de façon assez immédiate. Quelque part sur un choc presque comme le coup des chats dans les films d'horreur, par exemple. On n'est vraiment pas sur l'installation d'une ambiance. On est sur un pan dans ta gueule, quoi. Ça s'oppose, par exemple, totalement à des jeux. Alors là, pour le coup, je parle pas du tout du jeu de plateau, hein, mais des jeux comme Shadow of the Colossus. Si vous y avez joué, Ni l'un ni l'autre non plus. d'accord. Shadow of the Colossus, c'est un jeu qui est sorti, alors je crois que sur PlayStation, où on joue un personnage qui, pour sauver demoiselle en détresse, va s'attaquer à des titans. En gros, faut imaginer un jeu un peu en 3D à la Zelda deuxième génération, on va dire, où il n'y a que des boss fights. Et on va tuer ces monstres pour sauver sa bien-aimée, et c'est cool comme dans la plupart des jeux en fait. Sauf qu'on s'aperçoit que ces monstres, ils n'ont rien demandé. Que quand on leur fait mal, quand les attaques, ils ont l'air d'avoir vraiment mal, on commence à ressentir une espèce d'empathie envers eux. Très rapidement, ça nous fait vraiment chier de les tuer. Et on s'aperçoit que notre héros se modifie, en fait. Alors, se modifie très légèrement, mais suffisamment pour qu'on le voit progressivement s'installer, en fait. Et le jeu devient réellement triste et on comprend sans grande difficulté que. Alors, sans trahir la fin, hein, c'est pas forcément à prendre au sens littéral, mais en tout cas, au moins métaphoriquement, on est le méchant du jeu, en fait. Quelque part, ces monstres, ils nous ont rien demandé. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus. Voilà, de beaucoup plus progressif, de beaucoup plus sur la longueur. Un autre mode qui peut être utile si on laisse de côté le twist à la traîne et le progressif à l'achat de Colossus, c'est tout ce qui se base sur la connaissance d'autres jeux. Alors, je vais encore prendre l'exemple de jeu vidéo, mais Gone Home, je sais pas si vous y avez joué celui-là ou pas. Moi, oui, ouais. Donc, rien, oui. Oui. Pour expliquer rapidement, donc Gone Home, c'est un jeu qui est. Alors, je crois qu'on appelle ça les First Person Walker, qui est en gros un jeu qui a une interface de FPS, mais où on ne combat pas forcément, et on rejoint sa famille. Dans une grande maison dont on a hérité, après un an de voyage en Europe, et donc du coup on découvre la maison familiale, et en découvrant la maison familiale, on découvre toute l'histoire de sa famille en fait, y compris des choses qu'on n'a pas du tout envie de découvrir. Et ce jeu-là en fait se base alors à la fois par la découverte d'éléments. Alors sans jargonner, mais ce qu'on appelle des artefacts narratifs, c'est-à-dire des éléments qui racontent une histoire, un petit bout d'histoire qui sont laissés dans le jeu. C'est par exemple dans plein de jeux, dans les jeux de la BioShock, vous allez trouver des enregistrements, des choses comme ça, des petits bouts de mémo, enfin c'est quelque chose qui est utilisé abondamment. Là, ça va être des objets qui sont répandus un peu partout dans la maison. Et vous allez. Et l'autre truc, en fait, c'est qu'une grosse partie du jeu. Et de la sensation qu'on a se crée en fait par rapport au décalage qu'on a entre le jeu tel qu'on le joue et ce qu'on imagine qu'il va être. C'est-à-dire, on a l'impression, on a une interface de jeu de tir. On est dans une maison de jeu de survival horror quasiment. On n'est pas très loin du manoir de Resident Evil. Et le jeu se déroule. Et en fait, une grosse partie de la façon dont on va recevoir le jeu se base sur le fait qu'on s'attende potentiellement à ce qui se passe telle ou telle chose à la Resident Evil ou à la jeu de tir. Et là, cette tristesse, cette mélancolie, elle va être renforcée par la connaissance qu'on a des autres jeux, en fait. Alors, c'est pareil, c'est un peu théorique, mais. C'est quelque chose qui est, à mon avis, très très prégnant sur ce jeu-là, en fait. Tu avais parlé tout à l'heure de nous faire une petite liste des éléments qui peuvent favoriser la tristesse dans des jeux ou qui peuvent en tout cas en faire un élément ludique. Tu pourrais nous la donner? Oui, alors j'essaie d'en remettre quelques points. C'est pas tellement c'est pas tellement des mécaniques ou des éléments clés, mais c'est vraiment pour montrer qu'on peut avoir une très grande diversité. Donc j'en ai déjà dit quelques-uns, ça va faire redite, mais en gros il y a 4-5 points principaux. Le premier que j'ai évoqué, donc est-ce qu'on se place sur une question d'intrigue ou de tension? C'est-à-dire est-ce que la tristesse, elle va arriver, enfin, la tristesse, la mélancolie, etc., hein, va arriver parce qu'on joue, en gros, parce qu'on nous raconte une histoire qui est triste, et auquel cas le média jeu vidéo est pas forcément super utilisé, ça dépend, enfin, à voir. Ou est-ce que c'est ce qui va se passer en permanence, l'ambiance, ce que tu disais, Adrien, pour les mots, par exemple? L'attention qui va mettre ce point-là. Est-ce que c'est l'attention ou l'intrigue, on va dire. C'est un premier point. Le second élément, alors bien sûr, tout ça s'exclut pas. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Est-ce que la fiction, elle va arriver, en fait, pardon, est-ce que l'histoire, elle va arriver par la mécanique, ce que Olivier a rappelé, les fissures axiomatiques. Est-ce qu'elle va arriver par l'intrigue au sens classique? Le quoi s'appelle l'exemple que j'ai en tête là, c'est la mort d'Aerys en Final Fantasy VII. C'est une scène que quasiment tout le monde connaît, qui est citée en permanence. Bêtement, c'est une cinématique où un personnage que vous aimez bien et qui faisait partie de votre groupe meurt. Dans l'histoire du jeu vidéo, c'était pas tout à fait une première, mais c'était. Par exemple, on a Ney dans Phantasy Star 2 qui fait la même chose de 3 ans plus tôt. Mais c'est le premier à cette échelle-là, et ça a bouleversé plein de joueurs, et il y a plein de joueurs qui s'en souviennent. Mais ça reste très, très classique, en fait. Est-ce que ça va être l'opposition entre la fiction et le jeu? Je vous parlais tout à l'heure enfin, et la mécanique, je vous parlais tout à l'heure de To the Moon, par exemple. Ou est-ce que ça va être le fait que les deux soient raccords? Je vous parlais des Metal Gear Solid, je pense, et je pense notamment, pour ceux qui les ont fait, au combat contre The Boss à la fin du 3, qui est un moment qui est souvent assez mémorable. Donc ça, c'est un peu le second axe, en fait. À savoir que là-dessus, ça va vraiment dépendre du type de jeu. Par exemple, dans un jeu de rôle, en théorie, opposer la mécanique à la fiction, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Enfin, ça a du sens que si le jeu ne marche pas, en fait. Puisque la matière première, si j'ose dire, du jeu de rôle, c'est la fiction. Et que, entre guillemets, toutes les mécaniques devraient avoir un impact, alors pas toujours direct, hein, faut rester souple, sur la fiction et inversement. Alors, il y a bien sûr des cas particuliers, mais c'est l'idée générale. Le tro... Pardon, ouais. Vas-y, continue. Le troisième axe, alors, ce serait un peu sur quel type de... Enfin, en fait, comment va se développer cette tristesse, hein, ou cette mélancolie? Le premier point, c'est l'aspect, par exemple, par la réflexion ou la médiation des joueurs, c'est-à-dire que, tout à l'heure, je vous parlais, par exemple, de Shadow of the Colossus. On va s'apercevoir, en réfléchissant, en faisant gaffe, ben, en fait, on va remettre en cause, on va commencer à réfléchir et remettre en cause le bien fondé de ce que nous propose le jeu depuis le début. C'est un peu la même chose sur Spec Ops The Line, par exemple. Et un jeu qui incarne, à mon avis, tout à fait ça dans l'esprit, même si c'est pas comme ça qu'il est joué, c'est l'Appel de Cthulhu en jeu de rôle. Cthulhu, c'est presque un jeu auquel il faudrait jouer qu'une fois, en fait. Où on joue, et la vraie horreur de Cthulhu, c'est pas de s'apercevoir qu'il y a un monstre avec plein de pustules, c'est de savoir que vraiment l'humanité ne sert à rien, c'est une race d'esclaves, au milieu de gens qui, dans le meilleur des cas, n'en ont rien à foutre et qui vivent depuis des millénaires. Et globalement, on est tous foutus. Et l'horreur dans Toulouse, c'est de comprendre ça, en fait. Un programme réjouissant. Alors oui, c'est pas forcément à ce niveau-là le jeu qui vend le plus durable, mais pourtant c'est un jeu très plaisant et énormément joué. Mais si on va au bout de la logique, quelque part, le vrai truc, entre guillemets, qui attend les persos de Cthulhu qui vont, ouais, au bout des choses, c'est cette la vraie horreur, c'est une horreur intellectuelle, en fait, c'est de comprendre ce truc-là. Alors, sur vraie horreur, encore une fois, hein, faut mettre des réserves, puisqu'il y a plein de façons d'y jouer, que tout le monde y joue depuis 30 ans, et tu Oh, t'inquiète pas, vois. on a un stock de guillemets chez Ludologie, donc on en met là où il y a besoin. Ça marche. Ben là, par exemple, il en faudrait quelques-uns. Donc, il y a cet aspect réflexion où vraiment c'est ce que ça va évoquer chez le joueur. Tout à l'heure, on parlait de. Alors, même si c'est la violence et pas tout à fait la tristesse sur Klein ou Miami, c'est juste pour voir combien de temps Adrien se retient, mais sur le fait de sa force de réflexion, en fait. C'est un peu le même genre de choses. Si vous avez joué Silent Hill 2, il y a une fin qui s'appelle, je crois, Dans l'eau, où qui remet totalement en cause, en fait, toute l'histoire du jeu. Et quand on la comprend et qu'on voit ce qui se passe et qu'on se refait le film, entre guillemets, du jeu, en faisant des liens avec cette révélation finale, ben le jeu prend une toute autre dimension. Donc là, ça arrive par le côté réflexion. Ça peut aussi arriver par un côté vraiment viscéral. On l'a un peu évoqué pour Limbo, c'est-à-dire la musique, l'ambiance, L'esthétique, quoi. qui va absorber. L'aspect visuel, c'est pas forcément l'esthétique au sens ludique, Non, l'esthétique au mais sens graphique. Enfin, graphique, c'est graphique ça, tu vois à sonore, peu près tous voilà. les sens, quoi. Par exemple, la manette qui vibre en faisant plus ou moins des rythmes qui ressemblent à des battements de cœur, des choses comme ça, c'est des choses qui marchent beaucoup, par exemple. Je sais pas si vous connaissez un jeu qui s'appelle Condemned, qui était sur PlayStation, je pense. Je crois pas qu'il était porté On ailleurs. n'a pas de console en fait, du coup ça limite un petit peu D'accord. l'occasion de. Condemned, c'est un jeu d'horreur assez ancien. Je crois que ça date des débuts de la PS3. Et je sais plus si c'est dans le 1 ou dans le 2. On traverse une zone, alors très sombre, c'est un jeu très violent, etc. Où il y a plein de mannequins. Et sur un mur, il y a un tag, il est marqué derrière toi. Et quand tu te retournes, les mannequins ont bougé. Alors, c'est pas des monstres qui s'animent ou quoi que ce soit, hein. Juste ils sont plus à la même place, quoi. C'est un effet, enfin, très facile à faire, hein, c'est un jumpscare. Par contre, ce truc-là, a un impact direct, quoi. Alors, c'est pas directement de la tristesse, encore une fois. Non, là, on est plus dans du malaise, effectivement. Voilà, mais tout ça se mélange pour créer une ambiance. Disons qu'on va avoir une palette d'émotions en fait relativement proches qui vont permettre d'avoir bah, des fois du dégoût, des fois du malaise, des fois de la simple anxiété, des fois de la tristesse ou de la mélancolie à proprement parler. On peut avoir ce mélange entre réflexion et viscéral. Je vous parlais tout à l'heure de Silent Hill 2. Pour moi, c'est vraiment le cas d'école. Où il y a tout qui est fait pour. Enfin, c'est un jeu maîtrisé de A à Z. Et on va voir. Il y a plein de très très bons articles, notamment de Bernard Perron sur ce jeu, sur comment il gère les phases où on a le contrôle, les phases où on n'a pas le contrôle, sur comment la signification des monstres, par exemple. Il y a plein de choses comme ça. Un autre véhicule, la tristesse, ça peut être. On a évoqué tout à l'heure un peu la moralité des joueurs, quand on parlait des choix réflexifs, tout ça. Quand on parlait de The Walking Dead. Dans la première saison de The Walking Dead, il y a un moment où le personnage qu'on incarne doit donner de la nourriture aux divers membres du groupe. Je sais pas si vous vous souvenez de cette scène. Si Adrien secoue la tête en signalant qu'il s'en souvient extrêmement bien. En fait, donc le principe, c'est bien sûr, il y a pas assez de nourriture pour tout le monde. Et on va devoir privilégier, en fait, est-ce qu'on donne de la nourriture à ceux qui sont capables de défendre le campement? Est-ce qu'on donne de la nourriture plutôt à sa fille? Est-ce qu'on donne de la nourriture plutôt aux gamins des autres? Est-ce qu'on le fait en faisant sur la base des besoins des uns et des autres? Est-ce qu'on le fait pour marchander quelque chose? Alors, le jeu va pas forcément proposer de marchander quelque chose. Mais comme on sait qu'il va y avoir comme on croit savoir du moins qu'il va y avoir des conséquences à ces choix-là, ben on réfléchit à tous ces éléments-là, et du coup, on en vient à jouer un peu à se poser la question du bien-fondé de ce qu'on fait en fait. Et c'est un autre moyen d'amener cette tristesse. Quelque part, le fait qu'on a un personnage aussi bien caractérisé que Clémentine dans la première saison de Walking Dead, c'est un peu moins vrai dans la seconde. On ressent presque de la culpabilité à pas lui donner à manger si on peut le faire. Donc tout ça c'était un peu le troisième axe. Et le quatrième en fait pardon. Je vous l'ai dit tout à l'heure c'est voilà est-ce que cette tristesse on essaie enfin cette mélancolie on essaie de la mettre en place de suite. L'exemple de Train avec Auschwitz, la carte Auschwitz qui sort. Est-ce qu'on l'amène de façon progressive? Est-ce qu'on joue sur la connaissance des autres genres, etc. Tout ça, enfin, je suis conscient qu'à écouter la liste, ça doit être un petit peu barbant, mais l'idée, c'est de montrer qu'il y a plein, plein de choses possibles et qu'on n'est vraiment pas que dans l'optique un jeu triste, c'est un scénario triste. Je je trouve que c'est plus inspirant que Barban, parce qu'effectivement, ça donne pas mal de billes pour imaginer des jeux qui vont aller travailler ces thématiques-là. Alors, on pourrait probablement faire une heure de plus sans difficulté. Moi, j'ai encore pas mal de questions, mais on approche tranquillement de l'heure et demie de podcast. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Cela dit, c'est une question qui reviendra probablement en serpent de mer à droite et à gauche, parce que, par exemple, il y a des choses auxquelles on n'a pas répondu du tout ou qu'on a très peu traité. Jérôme, tu as souvent utilisé les deux termes tristesse et mélancolie, et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de tragédie, mais finalement assez peu de mélodrame, par exemple. Or, c'est un genre qui est quand même largement travaillé en littérature, en cinéma, et que finalement, en jeu, on pratique assez peu le petit drame du quotidien. Donc, c'est des choses qu'on aura probablement l'occasion d'explorer à nouveau. En tout cas, Jérôme, merci beaucoup pour ta participation et tes éclairages. Ça nous permet effectivement de voir un peu plus large, finalement, toute une approche du jeu qui est un peu aux antipodes du fun tel qu'on l'entend traditionnellement. Et pour autant, jouer des choses tristes, ça porte un certain fun. En tout cas, voilà, on te remercie. On te retrouvera encore dans Ludologie pour de prochains épisodes. Et promis, cette fois-ci, on choisira des sujets où tu arriveras en disant « Dis donc, je pense que ces gens se disent que je suis quelqu'un de très chouette. » Et puis... Ouais, moi, ça va. Hein, si tu me dis pourquoi des jeux de merde, je te le fais. Y a pas de D'accord. Écoute, on prend note aussi. On prend note pour la saison 2, puisque la première est en train de bien se remplir. En tout cas, nous, on se retrouve dans 15 jours pour le 13e épisode de Ludologie, en espérant que ce ne sera pas un épisode maudit. On ne peut pas encore trop vous en parler parce que on est en train de caler l'invité. On a un petit peu d'avance sur nos enregistrements, donc nous, au moment où on enregistre ce numéro 12, on est assez loin de sa diffusion. Mais voilà, les choses sont bien en place, on sait à peu près où on va, on devrait avoir quelque chose d'intéressant à vous proposer, encore original, comme réflexion sur le jeu, sur comment on en fait, sur comment on y joue, sur comment on réfléchit dessus. Enfin, en tout cas, on essaye. Et puis, en attendant, on vous souhaite une bonne journée. On a quand même une dernière question, hein, très rapidement, Jérôme, puisqu'on approche dangereusement de l'heure et demie de programme. Alors, je vais laisser Adrien la poser, parce que je sais qu'elle adore ça. Bah, c'est la tradition, hein, qu'est-ce que tu veux, même si je pense qu'on l'a évoqué tout au long de ce podcast. En ce moment, Jérôme, à quoi tu joues ? Alors, excuse-moi, il y a eu un bruit. Un petit bug. C'est la question traditionnelle, même. Je pense qu'on l'a déjà évoqué pendant le podcast. La question, c'est en ce moment, à quoi tu joues ? D'accord. Alors, moi, j'ai fini Hotline Miami 2. et je le fais en hard, là. D'accord. Et puis après, pas mal de jeux de rôle. Et la sortie de Bloodborne qui a eu lieu le jour où on enregistre le podcast me fait très sincèrement poser la question de l'achat d'une PS4. C'est pas le seul apparemment. Je te ferai pas la liste. Eh bien, merci beaucoup. On se retrouve donc dans 15 jours. En attendant, je crois qu'il faut dire aux gens de continuer à jouer. Accessoirement, n'hésitez pas à continuer d'écouter les autres podcasts si vous ne les avez pas encore écoutés. Ça va être le quart d'heure promo. N'hésitez pas à liker la page Facebook, à déposer des commentaires ou à aimer nos publications, que ce soit sur Tumblr ou sur SoundCloud où on héberge les podcasts Ludologie. Nouveauté, alors elle l'est moins pour vous, mais à l'heure où on enregistre, elle l'est pour nous. Nous sommes sur iTunes, donc si vous avez des e-trucs, vous pouvez vous abonner directement. Et puis, vous n'hésitez pas à nouveau hein, à noter, à commenter. Nous, plus on a de retours, plus on est content. Ça nous permet de réfléchir un peu à où on va après. On sera ravis de répondre aux questions s'il y a des questions. Si vous avez des suggestions de thèmes ou d'invités, on est aussi preneurs. Même si on commence à avoir un petit carnet d'adresses, on est toujours preneurs de nouvelles voix, de nouvelles têtes et de nouvelles idées. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à interagir avec nous, Adrien, comme moi-même. On est disponible et volontaire sur la question. Et puis, bien entendu, hein, continuez à jouer au moins pendant les 15 jours qui viennent. Et puis, au bout de 15 jours, on fera un nouveau numéro qui vous donnera encore plein d'envie pour continuer à jouer les 15 jours suivants, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Passez une très bonne journée.